C'est dur la chaîne. Moi maintenant je peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. Qui est pour qu'on soit en danger aujourd'hui?